sa mère, il sait pas quoi faire. Au travers la poussière, dans un gros frigidaire, deux enfants qui vont apprendre de lui, il est pas passé pour rien.

plastique et choc, choc, choc. Chique mon plastique et choc, électrochoc, je me choque. Chique mon plastique est chic. Chiche mon pastiche et chiche. Sache que les sachets s'attachent. Chique mon plastique est chic, chic, chic, chic. Maybe, maybe, oh, maybe, oh, maybe not. It may be too late for you to be mine tonight. Maybe, maybe, oh, maybe, oh, maybe not. It may be too late for you to be mine tonight. Encore des mélodies, devant eux je l'accepte. De